Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Attention au dialogue intérieur ». Est-ce que vous entendez en arrière? Ça va? Moi, je t'entends. Tu m'entends, c'est ce qui est important. Qu'est-ce que c'est un dialogue intérieur? D'abord, s'il y a un dialogue, c'est donc une communication entre deux individus ou deux entités. Sinon, ce serait un monologue. Entre plusieurs. En plusieurs. Un dialogue, ça se fait entre quelle partie, un dialogue intérieur? Entre qui et qui? Des morts. Entre deux morts ou un vivant puis un mort? Uniquement des morts. Uniquement des morts. Quand ça pense dans ma tête, quand je me parle dans ma tête, ce sont deux morts qui se parlent. Oui. Quand un individu est capable de dire « je me parle », nécessairement, ce n'est pas lui qui le passe. Ce n'est pas lui qui parle. C'est qui? Et en plus, si tu te parles, comment peux-tu te parler si tu t'écoutes en même temps? Il faut déjà être deux choses. Donc, quand je dis « je me parle », c'est pas moi. Ni qui parle, ni qui écoute. En tout cas, c'est peut-être toi qui parles, mais tu ne parles pas à « me », ou c'est toi qui écoutes, c'est donc pas « je » qui parle. C'est comme le cerveau. Il y a une partie dans le cerveau qui décode le langage oral. Il y a une partie qui décode le langage qui va structurer la pensée pour en faire des phrases. Et il y a une autre partie du cerveau qui va décoder ce qu'il va entendre par les oreilles. C'est deux parties séparées du cerveau. Donc, une partie cérébrale peut effectivement parler à une autre partie cérébrale. Il y a deux parties. Et ces deux parties n'étant pas programmées de la même façon, n'étant pas neuroniquement structurées de la même façon, ils ne peuvent comprendre les mêmes choses. Nécessairement, on peut considérer qu'il y a deux entités cérébrales. Dans l'âme, c'est la même chose. Ces deux parties cérébrales-là se communiquent de l'information. Il y en a une qui parle, une qui écoute. Donc, il y en a une des deux qui écoute, mais s'il y a une réponse à la question, et bien ensuite, il y a un dialogue, il y a un échange d'informations, c'est que les deux parties se communiquent. Là, c'est pas uniquement cérébral, là, c'est au niveau astral, au niveau amique. C'est que l'être humain est un être... L'être humain ou l'animal humain en majorité est un phénomène intéressant qui est pluriconstitué, qui est constitué de différentes façons. C'est un phénomène, une mécanique planétarisée, une mécanique planétaire qui est restreinte dans le temps et dans l'espace par sa mémoire. Et l'être humain est un phénomène, l'être humain s'identifie à son corps physique, sauf que ce qui anime l'être humain, ce qui anime, ce qui se transforme lentement en âme, ce qui se transforme en psychologie, ce qui cumule l'émotion, l'expérience, est relié dans le monde de la mort à un égrégore, ce qui fait que dans plusieurs milliers de corps physiques, il y a un seul phénomène d'expression. Étant donné qu'il y a un seul phénomène d'expression, énormément d'êtres humains auront des attitudes similaires. Dans le passé, les personnes s'amusaient à essayer de diagnostiquer, soit avec les lignes de la main, soit avec la forme du crâne, la forme du visage, avec la forme de l'écriture, avec les astres aussi. Avec les astres, par exemple, on considère que l'humain est 12, que l'humain est divisé en 12 parties, c'est-à-dire que si tu es Verseau, on s'attend à ce que tu sois comme les Verseaux sont. Si tu es Sagittaire, on s'attend à ce que tu sois sage et que tu te taises. Je suis Sagittaire. Puis les Capricornes, ça, tout le monde sait ce que c'est. C'est bon. Alors, étant donné qu'on reconnaît, soit en psychologie, soit en graphologie, soit en astrologie, soit en caractérologie, des structures dans lesquelles les êtres humains peuvent être imbriqués, on doit reconnaître que l'être humain est nécessairement très limité dans sa source de pensée, très limité en nombre, très limité en forme, en différence. Si on reconnaîtrait, et ce n'est pas une bonne chose que de reconnaître cela, mais si on reconnaîtrait l'astrologie comme étant totalement réelle, dans l'interprétation émotive qu'en font les astrologues et évidemment les personnes qui consultent les astrologues, on aurait donc 12 égrégores particuliers. 12 égrégores qui, s'incarnant dans des corps physiques, engendrent l'humanité. Cela veut dire que sur peut-être quelques millions de corps physiques, ces millions de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants, sont en fait la même personne qui vit une expérience planétaire dans des millions de corps physiques. Étant donné que vivant l'expérience planétaire dans des millions de corps physiques et que ces millions de corps physiques n'ont pas ni le même cerveau, ni le même système endocrinien, nécessairement, l'information amenée par le corps à l'égrégore en question de ces millions de corps physiques crée dans l'égrégore une perturbation qui devient qui n'oblige à l'interprétation de tous ces millions de corps, de tous ces millions d'informations menées par ces millions de corps. Cela fait en sorte qu'il doit y avoir dans l'égrégore un point de jonction où toutes les informations doivent s'agencer à la queue, doivent s'agencer soit en par fusion, c'est-à-dire que s'ils sont similaires, ils se fusionnent pour devenir une seule information, et le reste des informations engendre une trame expérientielle qui permet à l'égrégore, à l'être qui est incarné dans des millions de corps, d'avoir une expérience planétaire beaucoup plus complète que sa contrepartie limitée, l'âme, le petit tentacule de l'égrégore massif, que chaque humain considère comme étant lui. Alors, l'égrégore majeur a une expérience planétaire, une expérience humaine de beaucoup plus grandiose que ce que les imbéciles d'humains ont dans leur corps physique sur le plan planétaire lorsqu'ils s'identifient totalement à leur nombril. Les dialogues intérieurs vont apparaître lorsque un individu relié par son canal réincarnationnel à la structure de l'égrégore qui l'a engendré, donc lorsqu'émotivement je suis moi-même inconsciemment relié, certains appellent ça la corde d'argent, relié à cet égrégore, je vais prendre de l'information dans l'égrégore, je vais apparemment réfléchir, c'est-à-dire que je permets à une structure d'être réfléchie dans mon système neuronique, ce qui crée chez moi une expérience neurobiologique, et je peux atterrir, terrestrifier, humaniser, psychologiser l'information, alors je crois que je pense. Mais dans cette pensée, il y a, lorsque je vais lire, l'information des millions d'autres êtres humains qui sont moi, qui sont exprimés dans différents corps, qui arrivent. Alors, je pense à quelque chose, les informations que je vais chercher sont des informations qui proviennent de d'autres points de vue. Et là, ça commence à dialoguer, ça commence à parler. Ce dialogue est dangereux, pourquoi? Parce que les égrégores sont égoïsés. Ils ont un foyer d'identification et chaque âme, donc chaque petite partie d'égrégore réincarnée ou incarnée, terrestrifiée, a aussi une identification permise par la biologie et par le nombre d'années d'expérience planétaire, d'expérience mémorialo-émotive, de mémoire et d'émotion. Et comme chaque information est enveloppée de saveurs d'ego, quand une information arrive dans ma conscience, l'information veut être celle qui va passer. L'information veut avoir raison. L'information veut être reconnue. Si j'aurais accès à une banque d'informations, lorsque je réfléchis, j'ai accès à une banque d'informations qui n'est pas émotivisée, qui n'est pas entourée d'émotions, eh bien, je peux, exactement comme quand je lis un livre, je regarde différents livres, je regarde différents auteurs, et je choisis. Étant donné que l'être humain est pluriconstitué et qu'il est une incarnation très limitée d'un véhicule beaucoup plus grand, qui est un égrégore qui lui est propre, lorsqu'il fouille pour avoir de l'information, chaque information vient lui dire « j'ai raison ». Alors lui avec, il dit « oui, mais là, moi aussi j'ai raison ». Manger trop de sucre, c'est mauvais pour la santé. Oui, mais c'est prouvé par contre qu'il y en a qui n'en ont pas mangé puis qui ont eu des problèmes. Une autre information qui vient de pénétrer, qui se dit « j'ai raison ». Et la personne a dit « oui, mais bon, mais qu'est-ce que je fais ?» Et une autre information passe, la voix du juste milieu. C'est une personne de son égrégore qui a lu Bouddha, là. Et puis, tu m'en manges, mange juste les moitiés de particules de sucre. Tu manges tant que tu veux, c'est la voix du juste milieu. Mangeant deux fois, moi, mangeant raisonnablement. Et raisonnablement, c'est extrêmement subjectif. Raisonnablement, ça veut dire, bien, mange-en tant que tu ne te sentiras pas coupable. Raisonnablement, ça fait plaisir aux deux parties. Oui, quand tu commences à te sentir coupable, c'est plus raisonnable. Tant que tu ne te sens pas coupable, c'est raisonnable. Alors, quelqu'un qui se sent coupable de fumer, une cigarette par jour, c'est raisonnable. Un autre qui ne se sent pas coupable, un carton, donc un paquet de cigarettes par jour, c'est raisonnable. Ça dépend du seuil. Mais tout ça, ça vient de l'égrégore. Tu disais que l'égrégore qui nous est propre, est-ce que c'est que l'être humain... L'égrégore astral, si on est de signe cancer ou sagittaire, si on est sagittaire, toute l'information ou les dialogues nous viendraient de l'égrégore sagittaire. Oui. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a un égrégore sagittaire créé par les humains qui croient à l'astrologie, mais on sait que les planètes ont une tendance à attirer des paliers mobiles du monde de la mort sous forme ellipsoïdale, ça crée des ellipses, autour du plan planétaire. Et lorsqu'il y a une réincarnation, la majorité de l'information qui descend dans l'individu, à part l'information génétique, provient de ces paliers mobiles. Alors, s'il y a des planètes qui sont perpendiculaires au sol d'où naît, ou d'où est, disons, fécondé l'ovule, eh bien, la majorité d'informations va donc provenir de ce palier astral qui, si c'est Mars qui est en haut, sera un palier qui cumule suffisamment de mémoire de guerre, de mémoire de colérique, de mémoire belligérant. Mais il n'y a pas d'égrégore particulier là-dessus. Par contre, il y a des égrégores humains, c'est-à-dire qu'il y a, présentement, dans le contexte planétaire, 144 000 égrégores limités. Alors, il n'y en a pas 12. 144 000 égrégores limités se relient eux-mêmes, finalement, au dehors même du système planétaire et solaire, dans la galaxie, à 12 particularités. Ce ne sont plus des égrégores, mais à 12 formes d'expression d'une énergie. Ce ne sont pas des égrégores parce qu'ils ne sont pas créés par l'expérience émotive de l'homme. Ce sont des formes d'expression de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils sont différenciés non pas par l'information qu'ils contiennent, l'information expérientielle ou émotive, mais ils se différencient par le degré de déplacement dans l'espace-temps, on peut dire par leur vitesse de vibration. Ces 12 sont dans l'univers reliés à 3 espèces de substances particulières qui, dans un super-univers, vont faire un. L'être humain, présentement, qui a des dialogues intérieurs, a énormément de dialogues intérieurs avec différents phénomènes. Premièrement, il y a les maîtres, c'est-à-dire qu'il y a des mécaniques réincarnationnelles qui ne se réincarnent mal, qui ne veulent pas se réincarner dans un corps d'enfant et subir toute l'éducation involuante de l'enfance et donc de la jeunesse. Et ces personnages préfèrent atteindre des êtres humains relativement sensibles, relativement émotifs, spirituels, à caractère artiste, capables d'exprimer de l'astral, même s'ils en souffrent, sont des artistes. Et alors, les artistes devront se droguer, ils sont souvent alcooliques, ils sont colériques, ils sont intimement reliés au monde astral, et ils sont totalement pilonnés de dialogues intérieurs qui faussent totalement leur conscience. Alors, ces êtres humains ne savent à peu près jamais rien. Ils ont toujours besoin de l'accréditation d'autrui. Ils ont besoin que quelqu'un d'autre, par une parole ou un mot, leur dise qu'il les aime, leur dise quoi faire, les encourage, les motive. Les artistes, pour vivre, ont besoin d'un public qui va applaudir. Ils ne savent pas eux-mêmes si leur chanson est bonne et belle. Il faut que le public leur dise. Et 2 semaines après, ils ne le savent plus. Ils doivent recommencer. Ils gagnent un bon salaire, mais être payé 50 000 pour une sortie avec un public qui s'en va déçu, ça peut envoyer un artiste au suicide. Alors, l'argent est réellement, réellement, réellement secondaire. Mais la discussion, est-ce qu'elle peut provenir aussi, tantôt, tu disais que ça peut être partiellement du signe astral. On a aussi, en plus d'avoir un signe astral, on a un prénom. Tu as déjà mentionné dans d'autres conférences que le prénom était aussi une forme d'égrégore. Si, par exemple, la majorité de ceux qui ont le même prénom que moi sont de... Il va en avoir des 12 signes, il va en avoir des cancers, des taureaux qui ont le même prénom. Bon, est-ce qu'entre les deux, il peut y avoir une communication entre l'égrégore Charles et l'égrégore Sagittaire? Puis là, ça serait une... Est-ce que ça serait un exemple de dialogue intérieur? Oui. Les dialogues, on va passer rapidement sur toutes les formes de dialogue intérieur pour après ça parler de la problématique de ces dialogues-là. Tous les Charles communiquent régulièrement par téléphatie, c'est-à-dire qu'ils sont en communication, ils dialoguent entre les uns et les autres, mais ils n'en sont pas conscients. Ce n'est pas de la télépathie, c'est de la téléphatie. C'est une forme de communication télépathique et consciente. En même temps, ils sont en communication avec leur famille. Par exemple, à un moment donné, tu es chez vous, puis tu te dis, tu es là, puis là, tu vois ta femme qui rentre, ta femme qui te dit, bon, t'as encore sali l'auto dans ta tête. Puis tu réponds, ouais, ben là, tu commences à donner des raisons, puis là, t'as à plante comme il faut, mieux que quand tu parles normalement. Et puis là, l'argument, tu y vas, puis là, ça placote, bon, tu y vas. Moi, j'appelle ça sidatisé. Ce sont des sinistres individus dominés par l'astral, des sida. Alors, ils sidatisent. C'est un dialogue intérieur qui se fait entre les mémoires de ta femme ou directement, ta femme aussi est en train de chicaner avec toi, mais vous ne parlez pas. Elle est peut-être en train de faire l'épicerie, elle est peut-être à son bureau, ou c'est peut-être toi au bureau, elle est peut-être à la maison. Il y a un dialogue intérieur qui se fait, qui est une communication téléphatique, c'est-à-dire que l'individu n'en a pas conscience, le mental de l'humain n'est pas éveillé à cela. Il y a une communication entre la majorité des individus de la même famille, une communication entre les hommes d'affaires du même acabit, ceux les architectes ensemble, une communication souvent entre le policier et les criminels lorsqu'il y a une intervention, et nécessairement entre les policiers et les policiers. Il y a une communication, un dialogue intérieur entre les policiers, par exemple, et les mémoires des policiers, et les mémoires événementielles de ceux qui sont passés avant. Communication intérieure, il y en a aussi entre donc, des phénomènes à style gourou, maître, etc. qui viennent. Il y a un dialogue intérieur entre les êtres humains que nous nous créons nous-mêmes lorsque nous faisons des voyages astrales la nuit. Lorsque nous rêvons, nous créons des mondes plus paradisiaques ou plus infernaux, des mondes cauchemardesques ou des mondes plus plaisants. Qu'on s'en rappelle au réveil ou non, on crée ce genre de monde, on crée des paradisiations de l'ego. Et il y a des dialogues intérieurs maintenant qui se font entre ces formes, ces petits égrégores limités, qui sont nous-mêmes projetés dans le monde astral. Il y a des dialogues intérieurs qui se font entre des entités qui sont naturelles. Donc, il y a des dialogues qui vont se faire entre les farfadets qui structurent et qui entretiennent les plantes dans la maison, entre les gnomes qui vont se promener un peu à l'extérieur. Il y a des dialogues intérieurs entre l'astral non conscient des animaux, le chat, le chien, l'oiseau, etc. Il y a des dialogues intérieurs. La nuit entre des mémoires, uniquement des mémoires. C'est un dialogue intérieur, c'est-à-dire que ça ne te parle pas comme si c'était un être humain identifié qui te parlait, mais ça te fait vivre une situation événementielle, un événement qui t'amène de l'expérience mémorielle, qu'on appelle un rêve, qu'on appelle un rêve. Un rêve peut être intéressant ou cauchemardesque. Il y a des dialogues intérieurs entre des égrégores hiérarchiques, entre les dieux et l'homme, donc entre mon père et l'homme, entre Jéhovah et l'homme, entre Manitou et l'homme, entre Allah et l'homme. Il y a des dialogues intérieurs entre les extraterrestres qui sont créés par la conscience astrale de l'homme dans le monde de la mort depuis longtemps, depuis Ézéchiel entre autres. Il y a des dialogues intérieurs qui se font entre des mémoires de passage de phénomènes extraterrestres dans le contexte planétaire. Il y a des dialogues intérieurs qui se font entre des mécaniques intraterrestres. Il y a des dialogues intérieurs qui se font entre des messages codés dans l'astral par des ésotérismes du passé. Il y a des dialogues intérieurs qui se font entre des structures de magie, noires ou blanches, donc entre des sorts qui ont été jetés pour aider ou pour nuire. Il y a des dialogues intérieurs qui, par exemple, dans une prière, qui est un sort, la prière de la magie blanche, on veut te guérir toi, et puis là, tu commences à discuter, tu discutes toi-même sur, bon, je devrais me motiver, je devrais ci, je devrais ça. La prière fait un dialogue chez toi. Il y a des dialogues intérieurs entre les différentes parties de l'ego chez toi, la partie colérique qui dialogue avec la partie pacifique, puis là, il y a une ostination entre les deux, entre la partie qui fume et la partie qui veut cesser de fumer, puis là, ça dialogue entre l'un et l'autre. Entre la partie qui veut avoir une relation sexuelle et la partie qui ne veut pas, ça dialogue. Entre la partie qui veut écouter le film et la partie qui veut se coucher, ça dialogue. Bref, il y a des dialogues intérieurs. Oui, il y en a quelques-uns. J'étais en train de me dire justement qu'il y avait plusieurs dialogues. Mais quand on réfléchit... On dialogue. On dialogue. On est fait, on est mort. Quand on est couché, qu'on n'est pas capable de dormir, on est pas que ça pense dans notre tête, on dialogue encore. Mais c'est pas on dialogue. Ça dialogue ou on dialogue. Oui. Laquelle des deux est la bonne expression? Est-ce que ça dialogue ou on dialogue? De toute façon, ça dialogue. Si on veut répondre convenablement, ça dialogue, on ne dialogue pas. On croit qu'on dialogue, c'est-à-dire qu'on s'identifie ce qui se passe. L'être humain est tellement possessif de son corps physique, de ses neurones, de tout ce qui peut se passer, il pense dans sa tête. Ça ne se passe pas toujours dans sa tête. Mais l'humain, du moment que l'humain a de l'information qui n'est pas auditive, olfactive, gustative, tactile ou visuelle, du moment que l'humain a une information qui semble provenir de l'intérieur, alors il croit, alors il aime ça. C'est lui ou c'est Dieu ou c'est le diable ou c'est quelque chose dans le genre. Quand vous avez un dialogue extrêmement laid chez vous, vous pouvez vous dire, bon, ben, qu'est-ce qui me prend encore de me démotiver, de me démoraliser? Bon, on vous manipule, c'est un dialogue intérieur. Quand c'est extrêmement bas, les humains pensent qu'ils sont possédés. Quand c'est extrêmement haut, l'humain est fier de lui. Puis quand c'est extraordinairement haut, ben, l'humain pense qu'il est en communication avec un phénomène divin, avec un extraterrestre, avec un saint. De toute façon, l'humain est un être qui se médiocrise et l'humain n'est pas capable de contenir émotivement la valeur réelle de ce qui se vit chez lui. Et pourquoi tu dis de faire attention au dialogue intérieur? Est-ce qu'on peut se suicider en dialoguant? Bien, le suicider... Qu'est-ce qui peut arriver au dialogue? Pourquoi faire attention? Pourquoi une mise en garde? Si on a une âme tueuse qui dialogue avec nous, c'est évident que l'individu risque fortement de se suicider. Bon. Pourquoi faire attention au dialogue intérieur? Pour la simple raison que ce n'est pas vous qui parlez. Le dialogue intérieur est de la pensée. L'être humain qui se couche le soir et qui se rend compte qu'il ne peut pas dormir, c'est parce que ça pense dans sa tête, est un être humain qui a un dialogue intérieur. Il ne contrôle pas la pensée, il ne décide pas de ce qu'il va penser, il ne décide pas de la concentration de la pensée ou de l'attention de la pensée, il ne décide pas de la vitesse de la pensée, il ne décide pas du chemin ou de l'aboutissement de la pensée. Tout ce qu'il peut faire, c'est constater qu'il pense. Mais qui constate qu'il pense? Voilà. L'humain constate en réalité que ça pense. Mais l'humain étant manipulé à penser, l'humain étant convaincu que c'est lui qui pense, l'humain va dire « Bon, maudit, m'as-tu finir de penser? » Celui qui dit « Maudit, ce que je vais finir de penser » n'est pas un être humain astralisé. Il n'a pas pensé qu'il voulait cesser de penser. Il a parlé qu'il voulait cesser de penser. Alors, il commence à faire une colère mentale qui est très, très minime. Pourquoi? Parce qu'il ne veut plus, il ne pense pas pousser plus loin son expression mentale parce qu'il considère que c'est lui qui pense. Et il ne comprend pas pourquoi, merde, il pense alors qu'il veut dormir. Ce n'est pas lui qui pense, il y a un dialogue intérieur. Donc, on ne dialogue pas, ça dialogue dans notre tête et on croit au dialogue. Moi, je suis... Mais quelle partie de l'humain... ou de l'être humain, ou de l'animal, C'est l'animal humain qui s'amuse. Non, mais quelle partie remarque que ça pense? Et va dire, comme tu disais tantôt, ça pense dans ma tête, ou ça me choque de m'empêcher, ça m'empêche de dormir. C'est le mental de l'homme. C'est le mental de la femme, c'est le mental de l'enfant. Ce n'est pas encore l'être humain réel. Est-ce que c'est le mental qui dort, ou c'est l'ego? Qui doit dormir? Qui veut dormir? Bon, le sommeil est une mort. Une mort totale. Le corps physique ne dort pas. Vous avez déjà vu un corps physique dormir? Non. Voilà. Ça respire, ça continue. Le cœur continue à fonctionner, ça digère encore, le sang circule. C'est identique à un corps qui est en pleine course, sauf qu'il nécessairement, il n'y a pas de facteur anaérobique, c'est-à-dire qu'il ne manque pas d'oxygène, les poumons n'accélèrent pas rapidement. Le corps ne fonctionne pas beaucoup. Le moteur est au ralenti. Est-ce qu'il dort? Non. Quand vous arrêtez sur un feu rouge avec votre automobile, le moteur n'est pas éteint. L'auto ne dort pas. Mais c'est bien différent que quand on roule à 140 km à l'heure. Le corps physique ne dort pas. Le corps vital ne dort pas. L'énergie continue à circuler. L'âme se dissocie du corps physique et gagne le monde de la mort. Elle meurt. C'est elle qui veut dormir? Elle ne dort pas. Elle meurt. C'est intéressant. Quand on a une mécanique extraterrestre, qui se rapproche trop d'un contexte planétaire, à cause de la gravitation d'un système planétaire, la Terre n'a pas une grosse gravité, c'est une petite planète. Mais elle a une gravité suffisante pour permettre l'involution. Lorsqu'une mécanique extraterrestre s'approche du contexte planétaire, il ne peut rester longtemps. J'en ai déjà parlé souvent. On se réfère à certains films qui, de toute façon, sont toujours basés émotivement sur ce que l'humain pressent dans le monde de la mort. Alors, si on regarde E.T., l'extraterrestre doit s'en retourner chez lui parce qu'il est en train de mourir. Starman, il a quelques jours, il doit s'en aller, sinon il meurt. Et on peut en sortir des films, tous les films sont de ce même genre. Et l'expérience humaine planétaire fait aussi que chaque fois qu'on a capturé un extraterrestre, c'était une espèce d'animal plus ou moins difforme, totalement incapable de construire un vaisseau spatial. Ça évolue. Lorsque l'âme quitte le monde de la mort et qu'elle descend chez l'être humain, elle se corporifie, elle pénètre dans un corps physique, et là, elle est totalement assujettie à la gravitation involutive de la planète, c'est-à-dire qu'elle devient plus matérialisée. Étant donné qu'elle s'identifie, qu'elle s'exprime dans le système endocrinien, dans le corps physique de l'homme, et qu'elle se lie par la suite par le corps de l'homme, l'expérience qu'elle a d'elle-même est une expérience beaucoup plus réelle. De ce fait, l'âme aura beaucoup plus confiance à toute forme d'expérience provenant à travers le corps physique. Alors, si vous percevez un extraterrestre, vous n'y croyez pas trop. Si vous le voyez, là, vous y croyez en maudit. L'expérience étant plus basse, plus vibratoire, elle est plus tangible. Elle n'est pas plus réelle. Mais l'âme la considérera plus réelle. La problématique, c'est que lorsqu'une âme reste trop longtemps dans un corps physique, lentement, l'âme se dégrade. Il y a un kabbaliste qui n'aimerait pas que je dise ça. L'âme, ça dégrade. Enfin. Alors, lorsque l'âme, ça dégrade, elle dégrade le corps vital, c'est-à-dire qu'elle essaie de s'énergiser, elle essaie de ne pas trop évoluer en puisant de l'énergie dans le corps physique, dans le corps vital de l'homme. Le corps vital, on sait que c'est de l'énergie subatomique, c'est ce qui permet la structuration de l'atome, et c'est ce qui permet les relations entre les atomes pour constituer les molécules, et c'est ce qui permet la cohabitation moléculaire de façon à former un corps qui est complexe. Lorsque l'âme puise dans l'énergie vitale, elle diminue la tonicité atomique, moléculaire, cellulaire d'un corps physique, donc elle rend le corps physique faible, vieillissant, irritable, malade. Elle le détruit, elle peut même le tuer. Alors, ce qui arrive, c'est que l'âme dans le corps physique évolue. Elle évolue à une vitesse intéressante, ce que le mental ne fait pas. Alors, de temps en temps, l'âme doit quitter le corps physique, regagner le monde de la mort pour aller s'énergiser, c'est-à-dire pour rajeunir. Mais quelle est la différence entre les deux énergies? Pourquoi elle doit retourner dans le monde de la mort? L'énergie vitale ne lui suffit pas? Non. Dans le monde de la mort, l'expression qu'elle a d'elle-même est une expression qui n'est pas hormonale, qui n'est pas neuronique, qui n'est pas biologique, donc qui n'est pas matérielle. C'est-à-dire que l'information, dans le monde de la mort, l'information qu'elle a est une information inconsciente. Dans le monde de la mort, l'âme va faire un tour et elle se libère totalement de ses graisses. C'est-à-dire qu'elle se libère lentement de l'expérience très biologique qu'elle a acquise dans l'état d'éveil par le corps physique. Lorsque l'âme est dans le monde de la mort, elle s'exprime en bousculant d'autres mémoires. Et c'est inconscient. Et ce qui vient comme information, comme expérience, c'est une expérience d'un ordre astral. Lorsqu'elle est dans un corps physique, l'expérience, c'est à peu près toujours d'ordre biologique. Une relation sexuelle, une peur, tu transpires, une grande joie, le cœur accélère, c'est toujours une expérience biologique qui lui amène donc un poids karmique, qui l'assujettit à la matière. Lentement, l'âme puisant dans le corps physique pour ne pas trop évoluer, pour muter l'information biologique en information astrale. Elle doit donc énergiser l'information, alors elle puise dans le corps vital, donc elle détruit le corps physique. Normalement, le système respiratoire passe en premier, le système digestif, alors les ulcères, le système cardio-respiratoire, problème de cœur, les problèmes coronariens, problèmes d'artère, et on a une panoplie de phénomènes. Lorsque, en tout cas, on pourrait parler longtemps de médecine là-dessus, là. Alors, ce qui arrive donc, c'est que cette âme doit s'en aller. L'âme gagne le monde de la mort de temps en temps. Est-ce que c'est de temps en temps ou à toutes les nuits, à toutes les fois que tu dors? Chaque fois que tu dors et de temps en temps quand tu ne dors pas. Vous rencontrez une personne qui est arriérée mentale, qui n'est pas folle, qui est arriérée mentale. C'est-à-dire qu'elle a un certain âge et psychologiquement, elle a peut-être 8-9 ans d'âge mental ou peut-être 5-6 ans. Et on regarde la personne et puis on lui donne 25-30 ans. On se renseigne sur son âge, il a peut-être 55-60 ans. Le corps n'a pas été vieilli parce que la personne étant plus ou moins autistique, elle est quasiment toujours dans le monde astral. Un individu qui est dans la Lune n'a jamais un corps aussi stressé qu'un individu qui est toujours dans le contexte planétaire. Donc, l'âme n'a pas utilisé son énergie vitale. L'âme n'étant pas trop terrestrifiée, trop involuée par le corps physique, elle ne puise pas dedans. Elle est toujours dans ce monde où elle rêve et la vie est belle. Une personne qui rêve et qui s'amuse à flâner, qui se promène dehors, qui est toujours partie, une personne qui paraît extrêmement bien. L'âme n'est pas chez elle. Mais il n'y a pas de sommeil. Dans le monde de la mort, c'est la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conscience. De toute façon, l'âme est morte. L'âme, c'est uniquement de la mémoire, ça n'a pas de conscience. Ça expérimente, ça mémorise la conscience du mental, la conscience qui va dire, voyons, qu'est-ce qui me prend encore à penser cette vitesse-là dans ma tête? Ça mémorise cela et ça le répète. Le répétant, ça dit, voyons, qu'est-ce qui m'arrive encore de penser comme ça dans ma tête? Et lentement, l'âme finit par s'identifier à ce jeu et l'âme dit, je pense. Non, là, répète simplement le mental. Et comme chez l'être humain, il n'y a pas, dans la majorité des cas, suffisamment d'énergie pour que l'humain se dissocie totalement de sa vie émotive, pour que l'humain finisse par savoir que lorsque quelque chose a peur chez lui, ce n'est pas lui, c'est l'âme, c'est l'ego, c'est de la mémoire. Que lorsque chez lui, il a un appétit sexuel, qu'il a un appétit gustatif simplement biologique, il veut manger même si le corps n'a pas faim, il doit savoir que ce n'est pas lui. Lorsqu'il est mal pris, lorsqu'il se culpabilise, ce n'est pas lui. Si l'humain a suffisamment d'énergie pour se dissocier de cette phase astrale, nécessairement les dialogues intérieurs continuent, se poursuivent, et l'humain s'en fout. L'humain, il baisse le volume de la radio, puis il n'écoute plus la radio. Jusqu'au jour où l'humain pourra éteindre la radio, et ça sera fini. Mais parce que l'humain continue à s'identifier à ses dialogues intérieurs, il y a deux choses qui arrivent, de gros dangers, du point de vue de l'évolution. Premièrement, l'individu qui se fie à ses dialogues intérieurs est toujours en quête, l'ego est en quête, d'un jour avoir un dialogue avec quelque chose dans l'astral qui ressemblera à l'ego de son égrégore. Alors, il recherche un dialogue avec son père. Avec sa mère, avec... Je ne parle pas du père biologique, on parle d'un père divin. Alors, on parle de ce qui a créé, engendré l'incarnation amique, l'âme dans l'homme. Alors, l'ego, il est toujours à la quête, dans une quête où il veut trouver un sage mort. Il veut avoir accès à plus d'informations que la majorité. Si, par exemple, nous sommes tous reliés au même égrégore et que vous avez accès à un peu d'informations là où dans la jonction où toutes nos informations vont nourrir notre ego central, notre Dieu, et que moi, j'ai accès directement à l'ego central, ça veut dire que j'ai accès à tout votre pensée. J'ai accès à toutes vos émotions. Alors moi, en tant qu'ego, si je vivrais comme cela, nécessairement, je serais nourri. J'aurais beaucoup plus d'énergie. On appelle cela s'égoïser. Je deviendrais plus orgueilleux. J'aurais du pouvoir. Chaque être humain recherche de la sécurité dans ce genre. Il recherche l'information massive. Mais l'information massive, c'est une information qui continue à nous rendre inconscients. L'information du monde de la mort, l'information des dieux, l'information des mémoires expérientielles, des annales akashiques, de la structure planétaire, sont une information qui nous explique, grosso modo, ce que l'humain, théoriquement, a fait dans le passé, mais qui ne nous expliqueront jamais ce que nous devons faire maintenant ou ce que nous devons faire maintenant dans l'avenir. C'est toujours de mémoire, totalement. L'humain, oui, l'humain doit devenir conscient. Pour que l'humain devienne conscient, l'humain doit traverser certaines phases du dialogue intérieur. L'humain, je rencontre de temps en temps, c'est le qui viennent me dire qu'un jour, ils ont vu une lumière, qu'ils ont rencontré, ils savent que c'est Dieu. J'en connais, moi, qui rencontre Dieu quotidiennement. Il ramasse ça avec un porte-poussière et une pelle. Ça, c'est quand la litière était pleine. Et ils me disent, je sais. C'était extraordinaire, c'était lumineux, c'était puissant, c'était pur. C'était quoi? C'était de la merde. Éclairé. Pur. L'humain n'a rien vu. L'humain ne connaît rien. L'humain ne sait rien. Lorsque l'humain, pour la première fois, a trouvé une allumette qu'un extraterrestre avait peut-être laissé tomber et qu'il l'a frotté sur une roche, il y a eu une flamme grande comme ça. Et il a fait « Ouah !» puis il l'a lâché, puis il a couru pendant 2 jours. Il venait de rencontrer l'enfer en entier. Un morceau de bois qui subitement... Aujourd'hui, on assiste au décollage d'une navette spatiale. Puis si t'en veux du feu, il y a quelques petites allumettes réunies là-dedans. Et puis on dit que, ouah, pas mal bon, espérons, il n'explosera pas ce coup-là. Puis ça explose, il y a encore plus de feu. L'humain n'a rien vu. Alors, lorsque l'humain, à un moment donné, il a une petite ouverture à quelque chose d'énergétique qui peut produire du monde de la mort, qui s'approche peut-être de cet ego moins corporifié, donc beaucoup plus libre du point de vue lumineux. Ce n'est pas de la lumière, ce n'est pas des photons, mais dans la tête de l'homme, ça crée une impression lumineuse. Alors, l'humain tombe à genoux, tombe sur ses fesses, tombe à pleine face. Il est totalement renversé. Et il a rencontré Dieu. Et ça s'arrête là, son évolution. Et il passe son temps maintenant à rechercher la même affaire. Alors qu'à un moment donné, il y a eu une ouverture, là, il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça a amené un petit peu de lumière à l'humain. L'humain est tellement autre chose que ce genre de jeu. L'humain continue à espérer par son ego, par ses dialogues intérieurs, les dieux imbéciles qui ont placé l'humain dans des conditions totalement débiles, donc diaboliques. Ces dieux sont tous des imbéciles, des cons. En réalité, ils sont des manipulés. Ils sont totalement manipulés par ce que nous avons prévu avant de nous ramasser ici, de façon à permettre de la matière de se développer pour pouvoir contenir de la lumière, de l'intelligence. Il y a 4,5 milliards d'années, il n'y avait que de l'hydrogène, avec un petit peu d'hélium qui gravitait un peu ensemble. Quelques milliards d'années après, il y avait différents métaux que l'attraction avait ramassé de l'espace, et il y avait un contexte planétaire. Il y a quelques millions d'années, il y avait un petit peu de vie sur le plan planétaire. Et il y a quelques milliers d'années, la conscience astrale est apparue chez l'homme. Et il y a quelques années, la conscience mentale est apparue chez l'homme. C'est de l'intelligence dans la matière. Et dans quelques années, l'intelligence supramentale apparaîtra convenablement aussi dans l'humain. Là, ce sera de l'intelligence libre, de l'intelligence instantanée, et non pas de l'intelligence réduite à attendre de connaître une chose, d'expérimenter une chose pour savoir. Est-ce que l'intelligence peut dialoguer avec l'ego? L'intelligence ne dialoguera pas avec l'ego. L'intelligence, ce qu'elle fait, c'est que par l'intermédiaire d'un ajusteur de pensée, qui est l'homme, l'intelligence, ce qu'elle fait, elle crée de l'expérience neuronique, elle mute des conditions chez l'homme, et l'intelligence, ce qu'elle va faire, c'est que pour être digestible par l'humain, elle devra aborder des formes. Vous savez, à quelle vitesse l'humain peut se sortir de ses problèmes? Facile! Sauf que l'humain ne peut tellement pas accepter de choses neuves que l'humain, ce qu'il fait, l'humain se crée des véhicules. L'humain, il crée un verre et il dit tout ce qui rentre dans le verre, c'est acceptable. Alors, l'intelligence de l'énergie remplit le verre. Alors, vous dites, vous regardez à travers le verre et vous dites, ah, ça, c'est la forme de l'eau. C'est la forme du verre. Ah, c'est la forme de l'intelligence. Ah, ben tiens, l'intelligence rentre de même. Je le savais. Tu peux rentrer différemment de la forme que tu as mis. Donc, si l'intelligence doit rentrer sous la forme de Dieu, tu vas dire, Dieu, c'est l'intelligence. Je le savais. Si l'intelligence doit rentrer sous la forme d'un elfe, ah ben Dieu, l'intelligence, c'est un elfe. Je le savais. C'est une fée, ce sera une fée. Sauf que progressivement, donc, il y a de l'information, l'intelligence prend une forme qui parvient à déjouer les barrières limitatives que vous acceptez que votre ego, que les mémoires, que les dialogues intérieurs placent dans votre conscience, et abordant cette forme, elle pénètre chez vous. Et là, progressivement, petit à petit, parce que les formes sont toujours les mêmes genres de formes, imaginez que chaque fois que j'ai bu de l'eau, je replace le verre. Sous la pression, chaque fois que je mets de l'eau dans le verre, tu vas être d'accord avec moi, j'use le verre. Donc, la forme atomique du verre change un peu. Alors, on peut dire que la forme, l'information aqueuse, change. Mais ça change tellement que d'ici 3-4 millions d'années, j'aurai réellement une nouvelle forme d'eau. Étant donné que l'humain, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'il place un contenant et que ça descend à l'intérieur, il le digère, il se dit « Wow! » Là, il veut replacer le même contenant. L'intelligence, ça ne descend pas dans le même contenant. Il va encore attendre quoi? 10, 15 ans? 20 ans? 30 ans? 2, 3, 400 ans? 2, 3 000 ans avant d'avoir un contact? L'humain, pour avoir un contact instantané avec le plan supramental, doit abandonner toutes les formes. Donc, l'humain doit apprendre à ne plus jamais écouter aucun dialogue intérieur. L'humain doit apprendre à ne plus jamais se fier à la pensée. Et là, l'humain va dire, oui, mais c'est la pensée qui fait que je me lève pour aller travailler. C'est la pensée qui fait que nous construisons un stade olympique. C'est la pensée qui fait que nous avons construit les sociétés. Imaginez de quelle façon on est manipulable. On se lève un matin, on est assis autour de notre tasse de café, qu'on est manipulé à boire, parce qu'on ne la goûte même plus. Si tu ne bois pas le café, tu ne peux pas travailler. C'est logique. C'est évident. Et tu bois ton café, tu le sirotes un peu, tu mets du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène en quantité astronomique, tu appelles ça du sucre. Et puis, à un moment donné, ben là, le dialogue il commence, puis là, il te fait dire de mettre de la peinture après le cadre de porte. Fait que toi, ben, tu te lèves, puis tu ouvres la canette de peinture, puis là, tu trempes ton pinceau dedans, puis tu mets de la peinture pour le cadre de porte. C'est ce que tu fais. Puis, hey, change, j'ai pensé à faire ça avant cet hiver. Puis là, tu resserres tout ça. Bien souvent, une fois que tu as pensé, le pinceau sèche là. 3$ aujourd'hui. On est pauvre, mais 3$, rien là. Tu laisses tout ça comme ça, puis là, tu vas te rasseoir, puis tu attends qu'un dialogue passe encore dans ta tête, te dire, peut-être si tu irais faire l'amour de ta femme ou de ton mari, ce serait intéressant. Puis là, immédiatement, ça se met à synergiser là-dedans, on se crée endocrinalement. Parce que les sécrétions endocriniennes commencent, le corps, il fait tink, tink, tink. Et puis là, ben, tu penses que c'est toi. Tu dis, hey, ah, une bonne idée, ça. Elle vient de où, cette idée-là? L'avez-vous créée? Non. Ben, c'est moi, hein? c'est mon idée, c'est, ouais. L'humain est bien mal pris. Tout ici, on a des tissus ici qui brûlent, on a plein de belles. Et on dit, oui, mais c'est le génie de l'homme. Non, c'est le génie de 4,5 milliards d'années d'expérience. Vous appelez ça génial, vous autres. Ça prend 4,5 milliards d'années pour parvenir à penser à changer de lumière qui est brûlée. Qu'est-ce qui se passe? Si l'humain est le moindrement relié à son intelligence, Le cadre de porte n'aura pas besoin de peinture. L'automobile ne consommera pas d'essence. Et lui-même va dire, ben voyons donc, il flyer en maudit, tu sais, il pousse. Ben oui, vous savez, 4,5 milliards d'années d'expérience comme quoi on doit consommer. Quand, dans le début, un bonhomme un peu cinglé a dit, j'ai trouvé de l'eau qui brûle. Il n'y avait aucun liquide sur la planète qui brûlait. Alors, hein, faites-moi rire. C'était du pétrole, on s'en servait comme médicament. Plus c'était mauvais, plus ça guérissait apparemment à l'époque. Fait que tu buvais ça. Brut. Super sans plomb pour ceux qui avaient des caries. Quand t'as pas chiqué depuis 15 ans, tu l'as des dents noires vite, tu prenais un peu de pétrole brut. Tout le monde pensait que t'étais un vieux de la vieille. L'humain reste toujours confiné avec ses mêmes maudites idées. Dans ce liquide, on sort toutes les formes de plastique. La majorité des polymères au niveau synthétique viennent de là. Maintenant, on en découvre un peu ailleurs. L'être humain met de l'eau, de l'essence dans son automobile. Il a un moteur à explosion, il roule à 140, 280 km à l'heure. Il a des pneus qui sont fabriqués à même, le même pétrole. La majorité de l'eau de bord vient du même liquide. Ce sont des fossiles. Pas des fossiles, mesdames. Je parle scientifique, là. Ce sont des fossiles qui créent cela. L'être humain reste un prédateur, il détruit le plan planétaire, et parce que l'être humain a 4,5 milliards d'années de mémoire comme quoi de consommer, c'est le cas de le dire, il consomme des corps. Mais il vieillit, il meurt, il commence. C'est les dialogues intérieurs qui ont poussé l'humain à découvrir le pétrole, dans non. ton exemple. Non, c'est comment il a découvert le pétrole, c'est l'intelligence qui l'a dicté? Non, c'est qu'aux États-Unis, entre autres, il y a un bonhomme qui s'était fait carrément avoir, il avait acheté un champ pour cultiver, puis le champ n'avait aucune valeur, et lentement, le sol était toujours comme mouillé. Puis le champ était plein de pétrole. À l'époque, c'était... En tout cas, il y a eu des poursuites judiciaires, puis le gars se fait rembourser son champ, mais... Je sais pas s'il aurait pu changer après, mais... Ah, ben maintenant, après ça, quand Drake est arrivé, qu'il s'est rendu compte que le pétrole était utilisable, il fait des médicaments, le gars, il s'est encore fait fourrer. Qui a guidé l'homme ou l'humain qui est le premier à avoir pensé à utiliser le pétrole? C'est simple. Le pétrole n'a pas toujours existé. Mais qui l'a guidé? Est-ce que c'était le mental ou la... Non, mais le pétrole a existé quand l'humain pouvait s'en servir. Ce qui est comique encore, c'est que quand je dis que le pétrole n'a pas toujours existé, il y a des égos qui disent, ben voyons donc. Ben, il fallait qu'il y ait des fossiles qui se fossilisent, hein? Faites du pétrole. Ça n'a pas toujours existé. À l'époque des brontosaures, t'es pas encore mort, faites du pétrole. Ça prend des milliers d'années, des millions d'années, ça prend des pressions, des températures, etc. Sauf que le pétrole a réellement surgi comme le cuivre, comme le fer. Comme tous les métaux, quand l'humain était capable de les utiliser, ça apparaissait. Quand l'humain va être capable d'utiliser une ressource énergétique qui ne sera pas destructible, une ressource énergétique qui ne subira pas d'entropie, ben, l'humain va la découvrir. Mais est-ce que ça n'a pas été découvert pour permettre de réduire la couche d'ozone, pour permettre de faire entrer plus facilement l'énergie supplémentaire? Pour l'animal humain, c'est-à-dire que c'est ça qui arrive, c'est que oui et non. C'est totalement stupide de fonctionner comme ça. L'être humain, je donne des conférences depuis suffisamment d'années, il y a des choses qui, à un moment donné, vont changer dans très peu de temps parce que l'humain comprend rien. L'humain, bien souvent, assiste à mes conférences pour entretenir des dialogues intérieurs par la suite. Ou encore des dialogues de salon. Nous sommes obligés, planétairement, de détruire la couche d'ozone pour pouvoir renforcer l'expression de l'intelligence supramentale parce qu'elle est réfléchie. L'intelligence supramentale est absorbée par les particules rares, c'est-à-dire par les gaz rares, mais elle est réfléchie dans l'espace par, en l'occurrence, la molécule O3, l'ozone. Destruction de l'ozone permet à plus d'énergie supramentale de traverser, c'est comme les rayonnements cosmiques. L'ozone empêche les rayonnements ultraviolets de traverser, mais il empêche aussi d'autres rayonnements de traverser. Maintenant, ça devient totalement absurde et ridicule. Pourquoi? Parce que si l'humain se servirait de très, très, très peu de ce qu'il sait dans son mental, l'humain, en quelques années, serait totalement muté. L'humain le sait. L'humain ne veut pas mettre de l'énergie. L'humain ne bâtit jamais pour lui. Il bâtit uniquement pour le monde de la mort. L'humain bâtit pour les dieux, l'humain bâtit pour les jouissances. Ça nourrit le monde de la mort. Quand vous avez une jouissance extraordinaire, merveilleuse, parfaite, au bout, ben 2 heures après, c'est fini, hein? Fini capote. Elle vous a servi à quoi, la jouissance? Absolument rien. L'humain décide de se droguer. L'humain, il prend ce 300, 400, 500 piastres, puis il se drogue. Puis là, c'est au bout. Quand il a fini de se droguer, il n'y a plus d'argent puis plus de drogue. Qui c'est qui reste? Plus rien. Là, il revient, bad trip, c'est-à-dire qu'il a son retour de voyage. Le décollage est toujours très intéressant, mais on te largue en parachute quand tu reviens. L'astral n'a plus besoin de toi. On te laisse tomber là carrément. Là, tu reviens avec une différence de potentiel. Tu reviens à ce que tu étais avant, mais comparativement à où tu étais, c'est l'enfer. Mais qu'est-ce qui vous reste après? Strictement plus rien. Vous bouffez des chips, vous bouffez des cossins, vous aimez ça, c'est très bon. Qu'est-ce qui reste après? Encore plus rien. On brûle, on consomme. On nourrit le monde de la mort. On nourrit émotivement, énergétiquement quelque chose d'autre que notre mental. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste à lui-même? Absolument rien. On nourrit que des dialogues intérieurs. Absolument, on ne fait rien d'autre que nourrir ceux qui viennent jaser chez nous. On est co-locataire du corps, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais l'humain a besoin d'un maudit coup de pied au cul. Mais pas uniquement au niveau de la parole. Étant donné que l'ego, l'âme et le mental. Le mental, il se regarde dans un miroir, le miroir, c'est l'ego. Alors le mental se voit dans l'ego, et quand l'ego met du bleu dans le miroir, le mental, il dit « crème, je suis bleu ». Mais c'est l'ego qui est bleu, c'est pas le mental qui est bleu, mais la face que je vois, j'ai pas bien le choix. Si je considère comme étant la réalité, le miroir, nécessairement, je me dis « bon, ben, je suis comme ceci, comme cela et comme cela ». Le miroir déformant, je me dis « crème, le matin, je me suis mal levé, je suis tout croche ». Le mental n'a pas le choix. Le mental ne peut pas changer de miroir, il regarde dans l'ego. La seule façon de changer de miroir pour le mental, c'est de regarder dans le plan supramental, c'est-à-dire de regarder dans la réalité. De regarder dans une réalité non émotive. Alors là, que tu te regardes dans un miroir et que tu te vois tout croche, t'en fous. Pourquoi? Parce que tu vois autant que tu voyais hier. Le reste n'a pas d'importance. Mais pour l'humain qui nourrit uniquement des particules émotives, il se regarde dans le miroir et se dit « crime, j'ai un bouton, ah, crime, j'ai ceci, crime, j'ai un poil là, puis là, bon, il en perd du temps. » C'est continuellement à recommencer. Parce que l'humain est un alimenteur du monde de la mort. L'humain est un alimenteur des dieux. L'humain est le pétrole des dieux. On le brûle, on le tue. Et on le recrée. On le restaure. On le récupère. Et puis on en refabrique un autre à un moment donné, qui nourrit encore. L'être humain qui, à un moment donné, se botte un peu le cerveau. L'être humain qui comprend qu'on doit cesser de mourir. L'être humain qui comprend la mécanique du deuil éthérique, qui peut immortaliser la conscience lucide chez lui-même. Le deuil éthérique, on le crée immédiatement. L'être humain peut devenir immortel dans son corps physique, mais on se fout du corps physique. L'être humain peut perdre des corps physiques tant qu'il veut, il ne meurt pas. Tant qu'il ne gagne pas le monde de la mort. Mais le monde de la mort, c'est de là que proviennent tous les dialogues intérieurs. Alors, dans le rêve, on est totalement dans le monde de la mort. Est-ce qu'on peut dialoguer avec son double éthérique? Non. Nous sommes le double éthérique. Nous sommes l'information. Nous pouvons observer des choses. Mais quand on observe une fleur, on ne dialogue pas avec la fleur. Quand on dialogue avec la fleur, on est encore dans le monde de la mort. On est encore dans le monde de l'illusion. Il y a un bonhomme qui a déjà dit que ça ne sert même pas à peine de demander à votre Dieu ce que vous voulez. Parce que si c'est votre Dieu, il le sait déjà. Mais le Dieu, il veut que vous le demandiez. Pourquoi? Parce que ce Dieu qui est dans le monde de la mort, créé par l'homme, à l'image et la ressemblance de l'homme, il a besoin que vous vous plaigniez. Exactement comme vous êtes le père. Vous avez un enfant, puis vous dites, « Ah, il a perdu quelque chose après son jeu. C'est moi qui l'ai trouvé. Ça t'a pas. On va attendre. » Ben c'est ça, Dieu. T'es un imbécile. Là, l'enfant, ben lentement, l'enfant, il cherche un morceau, il le trouve pas. T'as le bonhomme, il a du pouvoir, t'es content. Ah, quand il va venir, tu sais, il va voir que je suis bon pour lui. T'sais. Ah ouais, ah, certain, faut que j'aille. Puis à un moment donné, il vient de voir. Puis, t'as-tu trouvé mon morceau? Comment, t'as encore perdu? Si, bois qu'on niaise. Ben, je l'ai mis là, puis à un moment donné, je t'ai déjà dit de faire attention. Je comprends, mais là, m'a fait attention, là, ouais. Allez, le morceau, moi. Et moi, j'étais un tough, moi, j'étais un bon, moi, allez, le morceau. Moi. J'ai perdu ma quête de char deux fois, tu sais, mais c'est pas grave, il était pas lui, là. Puis là, je donne le morceau, là. Qu'est-ce qu'on dit? Si tu te teurs! Si c'est une petite fille, donne un bec à vos pattes, tu sais, c'est la relation entre la femme et l'homme. Donne-moi ton corps, moi, te donner ce que tu veux. Puis si c'est un petit gars, ben, ça peut être pareil, ça n'est pas du bonhomme ou de la bonne femme. Mais c'est toujours quand même, tu sais, qu'est-ce qu'on dit, là? Bon, je suis là, hein, qu'est-ce que tu fais sans moi? En tout cas, c'est pas quelque connerie. Mais Dieu, c'est la même maudite affaire. Dieu, il nous aime. Mais il faut qu'on lui dise merci, merci, merci, merci, merci, même s'il ne me l'a pas donné, merci en maudit. L'humain ne veut pas s'en sortir. Je sais que l'humain est manipulé. Mais avec tout ce que je dis, avec tout ce que d'autres disent, à un moment donné, l'humain devrait mettre suffisamment placer ces choses, mettre suffisamment de blocs d'énergie pour être, pour manipuler sa structure astrale, sa structure émotive, vers quelque chose de nouveau. Comment tu fais pour arrêter les dialogues intérieurs ou pour les envoyer se promener ou baisser le volume comme tu disais? La première chose, c'est une démarche attente mentale. C'est extrêmement facile à faire, ça demande de l'énergie et ça écœure royalement l'ego, ce qui fait qu'à un moment donné, ça va dialoguer ailleurs. C'est quoi une démarche flottante mentale? Tu obliges tout ce qui se passe dans ta tête à être exprimé neuroniquement à une vitesse tellement lente que ça n'a plus de sens. Bon. Tu ralentis la discussion? Tu ralentis tout ce qui se passe. La vitesse? Oui. Et ça, ça parle, et puis tu fais juste dire, tu ralentis cette vitesse-là, puis c'est pas long que là-dedans, c'est fini. Parce que tu peux mentalement contrôler ta structure d'expression. Mais allez-vous vous rappeler que vous pouvez le faire? Ça, c'est le problème. Parce que si le mental arrive et le mental te dit « Merde, je suis écœuré », eh bien, vous pouvez vous en sortir. Mais tant que le mental est là, « Ah, Colin, puis il se laisse penser là-dedans, puis il continue à penser que c'est lui qui pense, etc. » Non! Quand le mental, il dit « Il faut que ça cesse. » Maintenant, comment ça peut cesser? Maintenant que je parle, ça parle plus, c'est déjà une affaire. Mais je dors pas plus, je parle. Alors, lentement, je vais les écœurer. Alors, tu bloques toute la structure neuronique, tu ralentis la dépolarisation. Et là, ce n'est plus gustatif pour l'astral, ce n'est plus nourrissant. Si tu décidais de passer la nuit debout, est-ce que ce serait l'équivalent? Voilà. Ce qui va arriver, c'est qu'ils ont une autre chose qui est initiatique que vous ne devez pas faire. Pour l'instant. C'est de ne pas dormir. Mais si l'humain, si l'ego de l'homme, si le concept évolué, ce n'est pas l'évolution. Si le concept de votre réalité, ce n'est pas la réalité. Si le concept du mental, ce n'est pas le mental. Si le concept dans l'ego décide d'évoluer, alors que de l'âme, ça n'évolue pas. Donc, la partie de l'ego n'évolue pas non plus. Elle va expérimenter des choses. Si elle décide de rester debout, votre âme ne pouvant dormir, elle va têter toute votre énergie vitale. Votre corps physique va devenir... il va vieillir rapidement. Il va se régénérer après. Mais il devient irritable. Il peut devenir malade. Parce qu'on fait des jeûnes biologiques, mais un jeûne de sommeil. Mais après un certain temps, l'âme ne va pas en mourir de ça? Qui va mourir le premier, le corps si physique le mental, ou l'âme? C'est une initiation intéressante. C'est que si le mental est suffisamment puissant, l'âme va mourir. S'il ne l'est pas, c'est le corps. Voilà. On va le savoir après. Oui. C'est pourquoi ce n'est pas intéressant de tenter l'expérience immédiatement. Parce que tu le sauras jamais, finalement, si tu auras gagné ou pas. C'est pas une question de gagner, c'est une question que ça arrête. Parce que plutôt que de passer la moitié de la nuit à penser ou à se faire penser... Non, c'est pas la moitié de la nuit, c'est toute la vie. Bon, parce que sûrement la moitié de la nuit consciemment, là, à part le reste, on serait mieux de se lever puis de travailler, d'écrire, de faire quelque chose de productif, plutôt que de rien faire. Oui et non. C'est-à-dire que tant qu'à être pris à le faire, monnaie ton handicap. C'est ça. Donc, disons, se lever. Mais la grosse problématique aujourd'hui, c'est que l'âme, dans le monde de la mort, il y a de moins en moins de possibilités d'expression. Vu que les corps physiques sont beaucoup plus évolués, l'âme peut se payer le luxe de rester plus longtemps dans le corps physique sans risquer d'être trop évoluée. Ce qui fait que maintenant, l'âme peut nous empêcher de dormir. Elle se nourrit des expériences émotives et on peut rester longtemps là. Un individu qui dort souvent, un individu qui est souvent fatigué, outre les problèmes médicaux, quoique beaucoup de problèmes médicaux sont engendrés par l'âme ou une intervention de supramentale, l'individu qui dort beaucoup est un individu qui repousse son âme. L'être humain, à un moment donné, je vais totalement changer la façon dont je communique les choses parce que ça devient extrêmement ralentissant énergétiquement. Chaque fois qu'on veut aller plus loin, on ne peut pas parce que finalement, l'humain n'a déjà pas, ne se sert finalement de rien. Enfin, il s'en va, il crée des vêtements avec ce qui énergétiquement a été communiqué avant. Mais l'être humain doit absolument développer, si l'être humain veut avoir un dialogue intérieur, il doit l'avoir avec une autre conscience mentale. Cela veut dire avec son ajusteur de pensée. Si l'être humain veut brimer, totalement couper la mécanique des dialogues intérieurs habituels, il doit avoir un dialogue intérieur avec son ajusteur de pensée. Comment il fait pour avoir un dialogue? Il parle. Comment il fait? Il ne fait que parler. Il peut parler dans sa tête. J'ai déjà fait la différence entre penser dans sa tête et parler dans sa tête. Comme penser tout haut puis parler tout haut, c'est tout à fait différent. Ou tu l'as fait la différence? Oui, c'est que quand on pense, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe. Et quand on parle, eh bien, on structure les mots et on met les mots que l'on veut mettre. Donc, si ça pense tout seul, on arrête ça puis on pense à sa place. Ouais, c'est comme on a une personne là, qui se ramène dans la maison. Là. Hey, maudit, c'est qui a encore mis mes bas là? Ah, la petite. Bon, il pense tout haut. Mais il ne s'écoute pas. Ne s'écoutant pas, il ne sait pas. Si tu passes la journée à chioler. Oui, alors, la journée à chioler, c'est à cause de ça, en tout cas. Il continue à chioler, il s'en rend même pas compte, c'est de ta faute, il se bon. L'individu qui parle dans sa tête est un individu qui s'écoute. L'individu qui parle oralement est un individu qui s'écoute. Quand vous pensez dans votre tête, vous ne vous écoutez pas. Ça y va. Vous constatez, mais vous n'écoutez pas. Et à un moment donné, vous placez des mots. Pour parler avec un ajusteur de pensée, on doit poser des questions. Je vais te donner un exemple. Allez voir, c'est intéressant. Si ça fonctionne. Bon. Comment parvenir à avoir un contact pur avec l'ajusteur de pensée? Premièrement, il faut absolument cesser de vouloir avoir... faut oublier l'idée du contact pur. Alors, comment on appelle le contact si le contact n'est pas pur? C'est un contact qui est sale? Bon, cesse de faire de l'ironie. Bon, c'est pas un contact sale. Comment on peut avoir un contact pur avec l'ajusteur de pensée? Qu'est-ce qu'un ajusteur de pensée? Ben, je ne sais pas, attends que tu me le dises. L'ajusteur de pensée, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Alors, comment ça se fait que je peux te parler et que tu peux me répondre? Tu ne te parles pas et je ne te réponds pas, tu ne me parles pas et je ne te réponds pas. Ben, il se passe quelque chose. C'est toi qui le dis. Bon, là, je commence à être perdu. Il n'y a aucun problème, on change de conversation. Non, je veux continuer avec la même conversation. J'aimerais dormir, j'aimerais que ça cesse de dialoguer dans ma tête. Si tu veux dormir, couche-toi puis dors. Oui, mais ça pense dans ma tête. Écoute pas ce qui est dit. Ben, si j'écoute pas ce qui est dit, ça pense pareil. Oui. Et c'est possible de ne pas écouter ce qui est dit. Absolument. Mais si j'écoute ce qui est dit, tu ne m'écouteras plus. Donc, tu ne sauras pas que tu écoutes. Tu vas penser que tu penses. Alors, comment je peux faire pour écouter ce qui est dit sans être comme une personne qui écoute la télévision? Ben, ça dépend. Il y a beaucoup de personnes qui le soir écoutent la télévision et s'endorment devant, mais dans leur lit, ils ne dorment plus. Alors, écoute la télévision comme pour dormir. Bon. Bon, je pourrais continuer longtemps. Là, ce que je fais, je dialogue avec mon ajusteur de pensée. Celui qui pose la question semble avoir la même énergie que celui qui répond. C'est normal. C'est moi. Mais là, je fais confiance. C'est pas mon ego imbécile qui vient poser des questions. Et c'est pas mon ego qui répond. Je fais confiance à mes réponses. Et vous pouvez tous faire la même chose. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre mental. C'est l'ego qui écoute. Faites-vous confiance. Est-ce que ça n'énergise pas plus, justement, puis ça va complètement t'empêcher de dormir? Si tu fais ça à 3 heures du matin chez vous, premièrement, les personnes dorment dans la maison. Et puis, ça peut se faire dans ta tête. Bon, c'est ce que je veux savoir. Comme ça peut se faire oralement. Si tu peux faire exactement le même phénomène internement, dans ta tête, sans parler verbalement. Mais si cette énergie, ça n'a rien à foutre, ça ne dérange rien. Ben, tu dormiras pas. Parce que cette énergie, tu ne seras pas fatigué. Tu n'as même pas besoin de dormir. Puis l'ego va s'en aller, c'est trop mental. Donc, quand tu fais un travail qui n'est pas un travail, quelque chose de très accaparant, puis que tu es vivant, comme dans la dernière conférence, on disait, quand tu es devant un faux micro-ondes, disons, puis que tu décides de voir comment ça marche sans regarder dans les livres d'instruction, puis t'amuser, tu es vivant. Si tu es vivant comme ça pendant que tu travailles, si tu écris un livre, par exemple, toute la nuit, vivant comme ça, tu n'as pas besoin de dormir, si ton livre est-ce que l'âme va s'en aller de toute façon? Si ton livre n'est pas un roman... Si ton livre ne provient pas du monde de la mort... Ah, ou disons que c'est des calculs, ou peu importe, là, quelque chose que t'aimes... Ça dépend. Se fait, Même si tu aimes ça, si ça provient de l'instantané, c'est des calculs, ça provient du monde de la mort. Sinon, tu mettrais les réponses. Il faudrait que ce soit de la création. Oui, mais de la création planétaire. Ce n'est pas une recréation des structures astrales. Ça vient du neuf. L'individu, bon, tu m'as déjà vu faire des conférences, j'avais la grippe un petit peu avant la conférence, ou la voix était pas forte, en tout cas, tu as déjà vu ça. Oui. Pendant la conférence, ça prend quelques secondes, et puis c'est réglé, je ne suis absolument plus malade. Je fais de la fièvre avant, j'en fais pas pendant. Après la conférence, je redeviens malade, si je décide de redevenir humain. L'être humain qui reste, puis j'ai déjà été bien pire que ça, mais l'être humain qui reste totalement vivant, il n'a plus besoin de sommeil. Il n'a plus de dialogue intérieur. Son corps physique ne s'use pas, il ne vieillit pas. Il n'a plus d'âme. Donc, il n'est pas un être humain. C'est un extraterrestre, du point de vue de la conscience des animaux humains. C'est un surhomme, une surfemme, un surenfant. C'est un homme nouveau, une femme nouvelle, un enfant nouveau. Donc, si un soir, tu es très énergisé, tu peux décider de passer toute la nuit. si tu es très énergisé. Oui, la seule affaire qu'il y a, c'est qu'à l'instant où le contact se coupe, ben immédiatement, tu redeviens aussi épuisé que si tu étais... Est-ce que c'est aussi fatigué que si tu n'avais pas dormi normalement? La majorité des humains qui se voient énergisés par leur ajusteur de pensée, mais qui ne contrôlent pas le contact avec l'ajusteur de pensée, sont totalement énergisés le temps qu'ils ont travaillé. Et quand ça se retire, ben, ils sont extrêmement épuisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su, ils ne savent pas encore comment contrôler l'ajusteur de pensée pour qu'une partie de l'information serve en énergification corporelle. Mais l'être humain peut parler avec son ajusteur de pensée, ça reste une illusion. Mais est-ce que si on parle dans notre tête, c'est pas un dialogue intérieur, là, dans ce cas-là? On choisit les mots. C'est un dialogue avec toi-même, donc c'est un monologue intérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas un dialogue astralisé, ce n'est pas un dialogue dans le monde de la mort, ce n'est pas des idées qui vous passent dans la tête, c'est vous qui parlez. Est-ce que tu peux avoir un dialogue intérieur avec une réincarnation? Oui. Disons que tu absorbes quelque chose qui se réincarne, ça fait donc partie de ton ego. Ça fait partie de toutes les énumérations que j'ai faites tout à l'heure. Tu as une partie maintenant de ton ego, qui est cette réincarnation qui vient de pénétrer, et il y a un dialogue entre elle et le reste. Mais ça ne mène à rien. Ben, ça mène à rien d'intéressant. Ça mène au même cycle, au cycle, mort, naissance, chiolage, etc. La même idée, quand ça se produit, vaut mieux ralentir le débit pour arrêter cette conversation. Pourquoi vous n'êtes pas capable d'être de temps en temps le maître? Pourquoi l'humain ne... C'est tellement banal. L'humain n'y croit pas. La croyance, c'est une question d'énergie. Mais je le dis de façon à ce que l'humain finisse par grouiller un peu. Être son seul maître veut dire être présent chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le corps. Cela veut dire être présent 24 heures sur 24. Être présent 24 heures sur 24, ça veut dire que l'individu doit mentalement savoir ce qu'il fait. L'individu qui marche et qui ne sait pas qu'il marche, c'est un individu qui fait du bruit. Ce n'est pas un être humain, c'est un animal humain. L'individu qui s'habille et qui ne sait pas comment il s'habille, c'est un individu qui est animal. Je ne dis pas l'individu qui ne se rappelle pas. Moi, je sais quand je mets mes bas. Je ne sais pas quelle couleur de bas que j'ai mis. Quand je les mets, je sais de quelle couleur sont les bas que je mets. Mais je ne sais pas présentement de quelle couleur sont mes bas. Ah, vous le savez tous, là. On s'est regardé. Mais si je fouille dans l'instantané, dans la mémoire, je peux immédiatement savoir de quelle couleur ils le sont. Mais je ne me rappelle pas de quelle couleur ils sont. Autrement dit, si je fouille dans la mémoire akashique, instantanément, je sais de quelle couleur ils sont. L'humain va dire, ouais, mais c'est comme moi, si je me mets à réfléchir instantanément. Non. La nuance, c'est qu'en fouillant là, je le sais exactement comme si je regardais. Donc, je ne me suis pas rappelé. Il reste aussi efficace. Et on fait une pause. Pendant la pause, essayez de ne pas penser. Essayez de parler uniquement dans votre tête ou oralement. Vous n'avez rien à vous dire? Pensez vide.